Je viens à toi tout simplement. Je te donne mon cœur. Prends tout, Seigneur. Aide-moi à voir ta main dans ma vie, car tu es mon soutien. Je viens à toi tout simplement. Je donne mon cœur, prends tout, Seigneur. Aide-moi à voir ta main dans ma vie, car tu es mon soutien. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je viens à toi tout simplement. Je te donne mon cœur, prends tout, Seigneur. Aide-moi, aide-moi à voir ta main dans ma vie, car tu es mon soutien. Prends tout, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, tous mes désirs, mon tout, Seigneur. Tu es ma vie et tu as mon cœur, tu es mon désir. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, tous mes désirs, mon tout, Seigneur. Ma vie, tu as mon cœur, mon désir. Prends tout, Seigneur. Prends tout, tout ce que je suis. Fermez les yeux, Seigneur, nous te remercions ce matin pour le sacrifice, pour le sang. Merci, Seigneur, ce matin. Nous sommes prêts pour ta parole. Et Saint-Esprit, touche le cœur de ceux qui ont besoin d'un toucher ce matin pour ta parole. Seigneur, merci. Bénis-nous, Seigneur. Aie pitié de nous et bénis-nous. Au nom de Jésus, et tout le monde dise Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Ce dimanche de Pâques. Alléluia. On dit comment? Joyeux Pâques, bien joyeuse Pâques, je ne sais pas. Joyeuse Pâques. Qu'est-ce que tu peux dire à ton voisin? Joyeuse Pâques. Avec un sourire, hein? Parce qu'il y a la joie. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous sommes là. Et je pense que tu seras béni. Alléluia. Qui sont ceux qui étaient là à Independence Square? Wow. Alléluia. Je pense qu'on était bien bénis. Alléluia. Notre papa était là. Il y avait beaucoup de personnalités. Y compris le président. C'était merveilleux. Alléluia. Je pense que l'année prochaine, ceux qui ont raté cette année ne vont pas rater. Parce qu'il y a des surprises. Alléluia. Amen. Et l'une des choses que j'ai réalisées, l'onction qui est sur l'évêque est vraiment, je sais pas comment décrire. Alléluia. Hein? Et lors du temps de prière pour les malades, j'étais vraiment surpris parce que il a juste prié pour juste dit, sois guéri. Quelques secondes. On dit qui sont ceux qui sont guéris. Les gens sont venus avec des miracles fantastiques. Alléluia. Amen. C'est quoi? C'est Dieu qui fait. C'est pas une personne. C'est à toi de croire. Alléluia. Et donc, nous remercions. Je crois que vous allez acclamer pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Et pour la prière. Qu'il a prié. Alléluia. Il y a les gens qui ont donné les témoignages de la prière de l'année passée. Alléluia. Beaucoup de personnes sont délivrées par la prière. Alléluia. Et cette année, toi aussi, tu seras protégé et délivré au nom de Jésus. Si tu crois, si tu ne crois pas, alléluia. Amen. Et qui sont ceux qui étaient là durant la convention? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jeudi, alléluia. Wow. Tout le monde. Si tu étais là, tu n'étais pas là. Tu as besoin de réécouter les messages. Alléluia. Tu as besoin de réécouter les messages. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Wow. Donc ce matin, nous sommes là. Moi, je suis ici pour prêcher. Mais avant de prêcher, notre verset pour la semaine, vous avez oublié. Verset pour la semaine, Jean 4, verset 24. Vous connaissez ce verset? Les gens récitent ce verset, mais ne savent là où se trouve ce verset. Là où se trouve ce verset, les gens ne le savent pas. Donc aujourd'hui, tu vas le savoir. Alléluia. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent, faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Qui ne sait pas que ce verset, c'est Jean 4, verset 24. Beaucoup ne savent pas. Alléluia. Amen. Notre verset de semaine, alléluia. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Ok, une fois encore. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas tout. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On reprend. Jean 4, verset 24. Dieu, esprit, faut que ceux qui l'adorent, l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Jean 4, verset 24. Une fois encore, Jean 4. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Alléluia. On peut réciter sans les Bibles. On peut fermer les Bibles. C'est possible. On peut fermer. OK. Fermons nos Bibles. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Alléluia. Pour une dernière fois, Jean 4, verset 24. Adore en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Donc, c'est un verset que tu dois méditer cette semaine pour savoir que Dieu est esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de révélations dans ce verset. Alors, ça va changer ta manière de te voir, hein, ta manière de voir Dieu. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Donc, méditons ce verset cette semaine et nos vies ne seront plus les mêmes. Alléluia. Donc, ce matin, la semaine passée, on a parlé de quelque chose. Alléluia. On a parlé de quoi? Mon temps est fini. OK. On a parlé de quoi? Pardon? Transformons nos intelligences par la parole de Dieu. Les raisons pour lesquelles. C'est ça, non? Et puis, on a vu quoi? Quelles raisons? La parole de Dieu est marteau. Ça brise nos péchés. Alléluia. Et ça fait quoi aussi? Ça dit, fait quoi? Ça brise l'entêtement. Alléluia. Tu es entêté, c'est la parole de Dieu qui va briser ça. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on est entêté. Hein? On est têtu. On était. On était. Moi, j'étais têtu. Oh, pasteur. Alléluia. Mais la parole de Dieu a brisé cet entêtement. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est très forte, très puissante. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu qui brise les forteresses. Qui brise les choses que le diable a mis dans ta vie, qui ne quitte jamais. C'est la parole de Dieu qui brise ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec la parole. Il faut aimer la parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est pas chaque fois on prêche la parole. On te demande d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ça va briser quelque chose. Wow. Et quoi encore? Sauve réellement. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui sauve. Et quoi encore? Touche nos sentiments. Un quoi? Intérieur. Nos sentiments intérieurs. Hébreux 4, 12. Sentiments intérieurs. Alléluia. Parfois, on n'arrive pas à exprimer ce que nous sentons. Mais lorsque tu viens à l'église, tu lis la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu en train de parler de ce sentiment qui est dedans. Toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui touche ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Ce matin, nous allons voir un peu, alléluia, le titre du message que j'ai ce matin, c'est dans Matthieu 27, verset 11. On va lire un peu. Aujourd'hui, je vais seulement lire le passage et puis c'est fini. Alléluia. Le temps est déjà passé. Alléluia. Dans le titre de mon message, c'est « Il a gagné mon cœur ». Alléluia. Alors, demande à ton voisin, est-ce qu'il t'a gagné le cœur? Est-ce qu'il a gagné ton cœur? La plupart d'entre nous, c'est un garçon ou bien une fille qui gagne nos cœurs. Hein? C'est papa qui gagne ton cœur. C'est une paire de chaussures qui gagne ton cœur. Hein? C'est une parole de mensonge qui gagne ton cœur. Les mensonges. Hein? Les hommes, on aime mentir, hein. Lorsqu'on veut gagner le cœur d'une fille, là, on ment beaucoup. Beaucoup de choses. 95% de ce qu'on dit, c'est pas vrai. Les filles, est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? 95% de ce que les gens disent là. Dans ces paroles-là. Hein, sont pas vraies. Alléluia. Matthieu 27, verset 11. OK? Soyez attentifs, OK? Jésus apparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien des choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Hein? À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était pas envie qu'il avait livré Jésus. Waouh! Hein? Ici, on est en train de faire échange entre un prisonnier fameux. Lorsqu'on dit fameux, ça veut dire quoi? Célèbre, ça veut dire quoi? Populaire, ça veut dire quoi? Terrible, ça veut dire quoi? Connu, ça veut dire quoi? Réputé, ça veut dire quoi? Star, ça veut dire quoi? Il est quoi? Il est connu de tout le monde, ça veut dire quoi? Chaviva, ça veut dire quoi? Pardon? Il est un as de ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est pauvre, ça veut dire quoi? Il est quoi? Un bonbon. Ça veut dire quoi? Un bangando, ça veut dire quoi? Maintenant, on va en quoi? Non, un voyou, ça veut dire quoi? Un prisonnier fameux. Hein? Non, ce que je veux entendre, c'est dire que il vole. Un voleur, quelqu'un qui va en prison chaque fois. Il fait de mauvaises choses, on l'amène. Il va encore, on le libère, il revient. Donc, il est connu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Yeah. Voleur. Ou bien autre chose. C'est beaucoup de choses. Alléluia. Donc, échange. On veut changer. Mettre Jésus à la place de Barabbas. Waouh. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Waouh. Hein? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien, ok, qu'il n'y a rien en toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent. Les principaux sacrificateurs sont des pasteurs. Oh. Ce sont les pasteurs. Et les anciens persuadaient la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Waouh. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Waouh. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Cela vous regarde. Est-ce qu'il est innocent? Est-ce qu'il est innocent? Il n'est pas innocent. Parce qu'il avait le pouvoir de dire non. Il n'est pas innocent. Hein? C'est pourquoi là, Pilate. Toujours lorsqu'on mentionne la mort de Jésus, il y a Pilate. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il ne peut même pas se taire. Waouh! C'est pourquoi lorsque en Allemagne, lorsqu'on a tué beaucoup de Juifs, 6 millions de Juifs, il y a beaucoup qui ont dit que peut-être que c'est à cause de ce qu'ils ont fait là. On dit que le sang de Jésus ressemble sur nous et sur nos enfants. Hein? Depuis, je pense, entre la première guerre ou la deuxième guerre, on a tué 6 millions. Hein? Hitler, vous connaissez Hitler? A tué, haïssait les Juifs. Parce qu'il était là et puis les Juifs prospéraient. Tout Allemagne, c'était les Juifs. Donc il avait la haine. Et que non, c'est à cause des Juifs que les Allemands n'étaient pas riches. Il y a 6 millions. Et c'était terrible. Parce qu'on peut vous mettre dans une salle comme ça, fermée, et puis de gaz. Vous allez tous mourir. On enterre les gens vivants. On les a massacrés total. Yeah. Et les gens disent que c'est à cause de ce verset. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. Alors Pilate leur relâche Barnabas, le fameux prisonnier. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent des vêtements. Yeah? Jésus était nu. Yeah? On a enlevé tout le vêtement. Et on le couvrit d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillait devant lui. Il le rayait, c'est ça, non? Il le rayait en disant, « Salut, roi de Juifs. » Ah, ça, c'est moquerie totale. On l'a déshabillé, et puis on a mis un manteau, et puis couronne d'épines, et on a mis quelque chose dans sa main, roseau, et puis ils sont agenouillés devant lui, demandant, « Ah, roi de Juifs. » Se moquait de lui. Waouh! Waouh! Se moquer de lui à cause de qui? À cause de toi, à cause de moi. Alléluia! Yeah. Hein? Et sur cette histoire-là, on ne lit pas vraiment. C'est pourquoi j'ai décidé de lire aujourd'hui. Après être ainsi, verset 30, et il crachait contre lui, prenait le roseau, frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, le mirent sans vêtements, l'amenèrent pour le crucifier. Jésus qu'on vient d'adorer ce matin. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a fait? On lui a fait. Crachait. Hey, est-ce que quelqu'un peut venir cracher sur moi ce matin? Bien quelqu'un me permet de cracher sur lui. Waouh. Il a gagné mon cœur. Il a gagné mon cœur. À cause de ton péché, oh. Le péché là que tu as fait. Le péché là que tu as fait. Tu as oublié. Tu as oublié ce que tu as fait. Tu as oublié ce que tu as fait. Tu as oublié ce que tu as fait. Tu as oublié tes bêtises. Même hier, les gens ont fait des choses. La semaine passée. C'est ça. C'est à cause de ça. À cause de ce que tu fais. Yeah. Cracher sur lui. Si je crache sur toi maintenant, tu vas voir ce que tu vas faire. C'est fini. On va attendre ça sur CNN. On va attendre ça sur les radios, la télé de ton pays. Tu vas publier ça, que le pasteur Ghana a craché sur toi. Tu vas insulter Lighthouse. Tu vas insulter les chrétiens. Si le pasteur crache sur toi, bien sûr, je prends un roseau et je frappe ta tête. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Yeah. C'est ce qu'on a fait, Jésus, à cause de ton péché, à cause de ta fornication. Tu as oublié. Tu as oublié, à cause de ton mensonge. Hein? Est-ce que vous êtes là? Yeah. Néné, est-ce que tu as une fois péché? Lève-toi. On va te mettre en prison. Yeah. Tu as péché. Yeah. On va te crucifier comme Barnabas. C'est ça. Mais elle ne sera pas crucifiée à cause de Jésus. Jésus a payé pour ça. Jésus a payé. Si tu crois, Jésus a payé. C'est ça, c'est ça. Parce que parfois, lorsqu'on parle du salut, les gens ne pensent pas à ça. Les gens ne savent même pas. Aujourd'hui, c'est peut-être la première fois que tu entends cette histoire-là. Tu es si peut-être que c'est la première fois que tu entends l'histoire-là. Tu ne savais pas que c'est ça. Si on dit, il a payé pour toi, c'est ça. Nous tous, nous devons être en prison. Nous tous, nous devons normalement aller en enfer et souffrir. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Ils crachaient contre lui. Prenait le roseau, frappait sur sa tête. Après être ainsi moqué de lui. Hey, c'était dans la chorale. Petit, on te corrige. Et puis tu dis, pourquoi il m'a corrigé devant les gens? Il a crié sur moi devant les gens. Hein? Et gars, c'est moqué de lui. Tout Israël. Jésus était nuit. Tout Israël a vu Jésus nuit. Nuit. Sans vêtements. On a craché sur lui. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous avez une fois imaginé ça? Si tu vois les gens qui sont, on a beaucoup de passion, on fait beaucoup de choses. On se sacrifie, on fait des choses, on donne de l'argent. On veut prendre ton un Ghana Cedi. On veut prendre ton un Ghana Cedi pour sauver quelqu'un. Tu critiques les églises, tu critiques les pasteurs. Tu critiques, mais regarde à cause de toi. Regarde ce qu'il a fait. Tu vois les gens donner de l'argent. Tu vois l'évêque tenir devant la foule. C'est comme il est mendiant. Comment on perd les gens qui demandent de l'argent? C'est comme il est mendiant. C'est comme il n'a rien. Il demande de l'argent pour sauver d'autres personnes. On le critique. On critique Lighthouse. C'est à cause de ça. Est-ce qu'il a gagné ton cœur? Est-ce qu'il a, à cause de ton hein? Est-ce qu'il a gagné ton cœur? Ce matin, c'est la question que je te pose. Après être moqué de lui, ils ôtèrent le manteau. Ils lui mirent les vêtements. Et l'amenèrent où? Pour le crucifier. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Verset 31. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène. C'est de Cyrène, c'est ça, non? Appelé Simon, ils lui forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne. Parce qu'on a crucifié beaucoup de personnes, donc il y a des crânes, beaucoup de crânes qui sont là-bas, donc c'est appelé Golgotha. Ils lui donnèrent à boire du vin, mêlé de fiel. Mais, quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Wow, c'est parce que c'était amer. On est né assez toi. Wow. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Yeah. Tout cela a été prédit, hein. C'était déjà dit. Hein? Psaume 98, verset 2. On va parler de ça. Alléluia. Puis s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient et secouaient la tête. Ah, lorsqu'on dit injurer, ça veut dire quoi? Insulté. Toi, on ne t'a pas insulté, on t'a juste te corrigé et puis tu es en colère. Tu es offensé. Tu ne veux plus venir. Hein? Tu ne veux plus venir. Insulté. Hein? En disant, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Waouh, Jésus, waouh. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les anciens, se moquèrent. Ça, les pasteurs, les bishops, les pasteurs, les bergers et les membres de l'Église. Yeah. Ça, c'est ce qu'on a décrit. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les anciens, se moquèrent aussi de lui, disant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Vous voyez, parfois, on ne doit pas dire, si c'était toi, tu vas faire la même chose. Yeah, si c'était toi, tu vas faire. Si tu te donnes au jour, le jour là, parce qu'il y a Internet, il y a WhatsApp, il y a tout. On va voir ça sur le WhatsApp, sur le Facebook. On va insulter Jésus. Yeah. Donc, il ne faut pas dire, oh non, c'est ça, nous, ça nous décrit nous-mêmes. Ça là, décrit les chrétiens. Parce que ce sont les chrétiens qui critiquent parfois les pasteurs. Ce sont les chrétiens qui on se critique ici. Même à Belenkwesi, on parle loin ici même. On se critique ici. Yeah. On critique les uns et les autres ici même ici. On ne sont même pas allés voir les ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. Yeah. On critique. Moi, je sais les gens. Vous m'avez critiqué beaucoup. Yeah. Mais ça ne me dit rien. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime. Car il dit, je suis au bon moment, à la bonne place. C'est bon, non? Verset 43, c'est ça? Yeah. Je suis le Fils de Dieu, je suis Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des tremblements. 6e heure, 3 heures de temps. Il y eut des tremblements, des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, lui donna à boire. Wow. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Wow. Est-ce qu'il a gagné ton cœur? Est-ce qu'il a gagné ton cœur? Voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers fendirent, les sépulcres s'ouvrent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Christ, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Il est en train de décrire quelque chose qui était une partie de ce qu'il décrit ici, c'est dans l'esprit. Alléluia. Apparut un grand nombre de personnes, verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, disant assurément, cet homme était fils de Dieu. Wow. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Madeleine, Marie, mère de Jacques et Joseph, la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il avait fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre et à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala, c'est ça? En anglais, c'est Madeleine. Okay? Marie de Magdala et l'autre Marie étaient assises vis-à-vis du sépulcre. Sépulcre, ok? Le lendemain était le jour de la préparation. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons de ce imposteur. De ce que cet imposteur a dit quand il vivait encore. Après 3 jours, je ressusciterai. Ils n'ont pas fini. Ordonne donc le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Wow! Est-ce qu'il a gagné ton cœur? Ici, nous voyons Jésus qui est devenu faible. Faible. Sur la croix, dans la main de Pilate. Hein? Avec les principaux sacrificateurs. Avec le peuple, avec tout ce qui était là, l'esprit, tout le monde. Il était faible. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il était faible. Il était faible. Yeah. Normalement, lorsqu'on voit quelqu'un qui est décédé, on peut pointer du doigt que la personne a accompli ça. Accompli à une maison, c'est ça, non? À une voiture, a fait de grandes choses. Alléluia. Et à parfois, lorsque tu assistes à une funéraille et puis à l'histoire de la personne qui la biographie, c'est ça non? Biographie, on voit beaucoup de choses. Hein, qui a fait ça, aller ici, a fait ça, beaucoup de choses. Mais à la mort de Jésus, même les vêtements on a partagé. On a tiré le sort. On tire le sort, on fait comment? On fait comment? On fait comment? Sans savoir qui prend quoi. Alléluia. On a même partagé son vêtement. Alléluia. Mais ce qu'il a compris, c'était pas physique. C'était spirituel. Alléluia. La croix, le sang qu'il a versé, c'était spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qu'il a accompli a un effet spirituel, premièrement sur l'ennemi. La croix, l'ennemi n'aime pas la croix. Le sang qu'il a versé avait une grande puissance. Alléluia. Le sacrifice sur la croix était puissant. Et l'ennemi n'aime pas la croix. N'aime pas la croix, n'aime pas le sang. Alléluia. Amen. Et vous voyez dans ce monde, même les occultistes, on appelle. Les occultes font des sacrifices. voir une puissance. Il y a des sacrifices qu'on fait. On tue des personnes pour avoir des sacrifices, pour avoir une puissance. On tue des poulets. Alléluia. On fait un sacrifice de poulet. De quoi? De chèvre ou bien de mouton? Ou bien de quoi? Des animaux? Ou bien? Yeah. Des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Alléluia. Et ça a une puissance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Ça a une puissance. Et donc, le sacrifice de Dieu est la puissance suprême. Alléluia. Hein? Si ces personnes font ça pour de mauvaises choses, pour faire de mauvaises choses, le sacrifice de Jésus, c'est pour nous. C'est pour notre protection. C'est pour notre délivrance. C'est l'ennemi n'aime pas. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi n'aime pas que tu fasses des sacrifices. Il ne veut pas que tu fasses des sacrifices. Yeah. C'est pourquoi les chrétiens n'aiment pas le sacrifice. Hein? Lorsqu'on parle de sacrifice, le chrétien n'aime pas. Se sacrifier, se donner. Alléluia. Hein? Abandonner ou bien laisser ce gars. Tu ne veux pas sacrifier ce gars. Tu ne veux pas sacrifier ce péché. Yeah. L'ennemi ne veut pas. Parce que lorsque tu fais le sacrifice, tu as une puissance sur l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vous n'avez pas entendu. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Deux rois. Le temps est pas. Deux rois. On va lire ce verset et puis on va continuer la semaine prochaine. Deux rois, chapitre 3. Deux rois, qui est pour moi? Deux rois. Chapitre 3. Deux rois, chapitre 3, verset 21. Ok, cependant, tous les Moabites ayant appris que le roi montait pour les attaquer. Ok? On convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, ils se tirent, ok, sur la frontière et se levèrent de bon matin. Et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites vinrent en face d'eux, les eaux rouges comme du sang, ils dirent, c'est du sang. Et le roi ont tiré l'épée en nous et se sont frappés les uns et les autres. Maintenant, Moabites en pillage, ok? Et ils marchaient contre le champ d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab et prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversaient les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppaient et bâtirent Kir Hareset, dont on ne laissait que les pierres. Ça, c'est quand on est en train de bombarder la ville. Hein? Dans le temps, c'est la manière dont ils bombardaient les villes. Alléluia. Ça, c'est la guerre entre Moab et Israël. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dômes. Mais ils ne purent pas. Le roi de Moab a réalisé que non, le combat, la bataille là, ils sont en train de perdre la bataille. Et verset 27, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrir en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Wow. Est-ce que vous avez vu? Le sacrifice du fils du roi de Moab a fait quoi? A arrêté la bataille. Vous voyez le sacrifice? Le sacrifice a beaucoup de puissance pour nous. Alléluia. C'est pourquoi dans le monde entier, tout le monde, on ne va pas, on est en congé, on est en train de fêter, les Pâques, les fêtes de Pâques. Alléluia. Dans tout le monde entier, on reconnaît ce qu'il a fait sur la croix. Tout le monde entier, à cause du sacrifice. Alléluia. Et à cause de cette puissance, nous sommes sauvés. Et nous sommes ici. À cause de cette puissance, la Bible dit que le voile est déchiré. On peut, ça crée une voie pour nous, pour aller vers Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, le sacrifice que tu fais pour Dieu a une puissance. Lorsque tu sacrifies ta vie, tu as sacrifié ton matin pour venir à l'église. Tu pouvais dormir, mais ce sacrifice de venir à l'église a une puissance pour toi. Yeah! Si tu ne sais pas, tu donnes de l'argent comme un sacrifice, tu sacrifies ton sang. Parce que lorsque tu travailles, c'est ton sang qui travaille bien. C'est ta vie. L'argent que tu reçois, c'est ta vie. Alléluia. Tu donnes, c'est un sacrifice. Amen. Tu sacrifices et tu décides que non, je ne fais plus ce péché. C'est une puissance pour toi. Alléluia. Tu as une puissance. Tu surmontes l'ennemi lorsque tu sacrifices pour Dieu. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a fait sur la croix a gagné mon cœur. Est-ce que ça a gagné ton cœur? Est-ce que ça a touché ton cœur? Pour dire que tu veux sacrifier pour lui. Il a gagné mon cœur. On a craché sur lui. On a frappé sa tête. On a levé tout son vêtement. Hein? Il s'est immolé sur la croix. On l'a immolé sur la croix. Waouh. Est-ce qu'il a gagné ton cœur ce matin? C'est la question que je vais te poser. Est-ce qu'il a gagné ton cœur? Est-ce qu'il a gagné ton cœur? Est-ce qu'il a gagné ton cœur? Est-ce qu'il a gagné ton cœur? Oh, il s'est donné. Il est devenu faible pour que toi tu deviennes fort. Il est devenu pauvre. Il a été abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Les disciples n'étaient pas là. C'était Jean et sa mère qui étaient un peu plus proches. Regardez ce que les gens lui faisaient. Pierre a fui. Les autres ont fui. Parce que il avait peur. Alléluia. Ce matin, est-ce qu'il a gagné ton cœur? Pour le sacrifice qu'il a fait sur la croix, est-ce qu'il a gagné ton cœur? Lève-toi ce matin. Lève-toi, acclame pour lui. S'il a gagné ton cœur, acclame pour lui. Acclame pour lui. Acclame pour lui. Acclame pour lui. Acclame pour lui. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Fermez les yeux ce matin. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Tu es là ce matin. Tu as lu ce qui s'est passé et ce qu'on a fait à Jésus-Christ. Mais tu réalises que tu es loin. Tu veux qu'il gagne ton cœur. Ou bien il a gagné, il a touché ton cœur ce matin, ce qu'il a fait. Il a touché ton cœur. Et tu réalises que, mais tu es loin. Tu n'as pas le salut. Tu ne lui as pas donné ta vie. Et ce matin, à cause de ce qu'il a fait, tu veux lui donner ta vie. Tu veux lui donner ta vie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Les yeux fermés, s'il vous plaît, tout le monde. Tu veux lui donner ta vie. Merci, je vois. Lève la main si tu veux lui donner ta vie. Lève la main, ma soeur, je vois ta main. Toi, si tu veux donner ta vie, tu veux lui donner ta vie. Tu veux lui donner ta vie. Tu veux être né de nouveau. Merci, ma soeur, je vois. Lève la main. Ferme les yeux. Tout le monde, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Merci, je vois. Je vois ta main. Je vois, mon frère, je vois. Je vois, je vois, je vois. Il a subi tout ça à cause de tes péchés. Il ne veut pas que toi tu périsses. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu sois détruit en enfer. Il ne veut pas. Il a fait ça pour toi. Ce matin, il veut gagner ton cœur. Lève la main. Lève la main. Il veut gagner ton cœur. Il veut gagner son cœur. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant ma prière? Ma soeur, viens. Ma soeur, viens. Mon frère, viens. Ma soeur, viens. Viens, on va prier. Viens, on va prier. S'il a gagné ton cœur, n'aie pas honte. Il a gagné ton cœur, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens devant. On va prier ensemble. Il va te sauver ce matin. Il va changer ta destinée. Tu ne vas plus aller en enfer. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Mon frère, il a payé le prix. Ma soeur, elle a payé le prix. Tout ce que tu as fait, il a payé ça. Tu ne vas plus payer pour ça. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est comme tu as volé, on te dit que non, tu ne vas pas aller en prison. Jésus a payé pour ça, donc tu ne vas plus aller en prison. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Ce matin, oh Seigneur, tu as touché mon cœur. Tu as gagné mon cœur. Je t'aime, je veux te donner ma vie. Tout le reste de ma vie, c'est à toi. Et ce matin, vous êtes devant. Vous le dites, Seigneur, toute ma vie, c'est à toi. Toute ma vie. Fermez les yeux. Moi, très, très important, fermez les yeux. Et ceux qui sont devant, répétez après moi, dit Seigneur, merci. Ce matin, tu as touché mon cœur à ce que tu as fait. On a craché sur toi. On a enlevé tes vêtements. Tu étais nu. On s'est moqué de toi. À cause de mes péchés, je ne vais plus payer parce que tu as déjà payé. Je ne vais plus payer parce que tu as payé. Je ne vais plus en enfer parce que tu as payé. Tu as fait ça pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as versé le sang pour moi. Tu as allé sur la croix pour moi. Seigneur, merci. Ce matin, dis ce matin, je crois en toi. Je crois que tu as fait ça pour moi. Je crois que tu es venu pour me sauver. Et je t'invite. Ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Et je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Seigneur, merci. Merci. Je confesse que tu es mon sauveur. Je te donne ma vie. Je veux te servir. Ma vie. Le reste de ma vie. Je vais te donner toute ma vie. Je vais te servir. Rien ne va plus te servir. Va me séparer. Rien ne va me séparer. Rien ne va me séparer de toi. Seigneur, merci. Merci. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Seigneur, merci. Merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Dis Satan, je ne vais plus te servir. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Je renonce mon passé et je me soumets à Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.